Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. 15e épisode. Pour une femme. Lord Buridan et le peau rouge Cloum avaient à peine réussi à s'évader de l'île des pendus qu'ils se retrouvaient à nouveau sous les verrous. Pris pour des fous, ils avaient été enfermés, devinez où, au trop célèbre lunatique asylum de Greenaway. Heureusement, Agénor Marmousier a réussi, grâce à l'aide d'Oscar Tournesol, déguisé en singe, à les faire évader. Dans leur fuite, ils ont été suivis par Joey Dorgan, le faux Baruch Yorgel, dont ils ignorent l'identité. Et toujours accompagnés par lui, ils ont gagné le Canada. Pendant ce temps, André, Frédéric, Pagano et Ravenel sont revenus de la Nouvelle-Orléans, où ils n'ont évidemment trouvé aucune trace du professeur Bondona. Ils sont maintenant à New York, où ils attendent avec impatience des nouvelles d'Oscar et de Lord Buridan. Dis donc, l'homme, si tu venais boire un petit coup avec moi, j'ai une bouteille de whisky là à côté de moi. Ça te ferait du bien, non? T'as pas l'air dans ton assiette. Allez, viens donc! Je suis sûr que t'as des problèmes. Viens, on y raconter au père la solitude. Ça te ferait du bien. Parler, des fois, ça aide. Allez, frérot. Assieds-toi là, par terre, à côté de moi. Hé! Là, la bouteille. Serre-toi. Et tu ne les gênes pas, il y en a une de rab. Merci beaucoup, monsieur. Appelle-moi la solitude. Tout le monde me connaît sous ce nom-là dans le coin. Et toi, c'est comment? Édouard Edmond. Eh bien, à ta santé, Édouard. C'est quoi ton job? Je suis gardien chez Sir Fred Yorgel, le milliardaire. Je m'occupe... du courrier du standard téléphonique. Oh, mazette. T'as un bon job, toi. Avec un boulot comme ça, tu devrais être peinard. Et pas avoir envie de passer de l'autre côté. De l'autre côté? Et de l'autre côté, quoi. Tu sais, faut pas me la faire à moi. Depuis le temps que je vis là, je reconnais toujours celui qui a envie de faire un plongeon dans l'Hudson. Et j'en ai vu sauter, les mecs. Tu peux me croire? Tiens, passe-moi la bouteille. Passe-moi la bouteille. Tout ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils sont plus heureux maintenant qu'ils sont au fond de l'eau. Et vous les avez laissés sauter? Et pourquoi je les ai empêchés? Si c'est leur problème, pas le mien. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, ils me racontent toujours leur vie. Ça doit aider, faut croire. Tiens, bois un coup. Merci. T'aurais pas une pipe? Oui. Merci, frérot. Alors, c'est pourquoi que tu veux sauter? Le fric? Une bonne femme? Les deux. Ah! Toujours la même rengaine. Tu gagnes pas assez de pognon? Un milliardaire, ça doit bien payer, non? Oh, si. Fred Yorgel paye bien tous les gens qui travaillent chez lui. Ben alors? Ben, depuis 10 ans que je travaille chez lui... J'étais même presque arrivé à mettre assez d'économies de côté pour pour retourner chez moi en Irlande. Hein? Ouais, seulement voilà. Il y a 3 mois, j'ai rencontré la Dorif. Une femme, bien sûr. Ah, ça, une femme, oui. Et quelle femme! Gitane blonde, aux grands yeux noirs. La première fois que je l'ai rencontrée, elle dansait le tango dans un music hall. Un music hall à matelot. Elle faisait tourner les sangs à tous les hommes qui étaient là, dès que je l'ai vu rentrer. Ah, ça, j'ai eu un coup au cœur, hein. Ouais. Je suis retourné le lendemain soir et puis tous les soirs ensuite. J'ai apporté des cadeaux et elle aimait bien ça, les cadeaux. Au bout d'un mois, je suis devenu son amant. Quelle femme! 20 ans, pas plus. Un vrai démon d'amour. Elle réveillerait même les vieillards. Ouais, tiens, passe-moi la bouteille. Alors, elle t'a pompé tout en fric, c'est ça, hein? Et j'ai même volé pour elle des bijoux à la fille de mon patron. Viens, passe-moi la bouteille. Tiens. J'ai revendu les bijoux et j'ai joué l'argent pour pouvoir lui acheter tout ce qu'elle voulait. Et en un mois, restait plus rien. Et alors? Alors, elle m'a envoyé promener. Et elle m'a claqué la porte au nez. Toutes des salopes. Et alors? Alors, c'est fini. J'ai des dettes partout, j'ai joué sur l'honneur, je peux plus te payer, voilà, c'est tout. Et je peux pas vivre sans elle. Eh ben frérot, elle est pas drôle ton histoire, mais c'est la vie. Ah, là, les bonnes femmes. Bon, j'y vais. Dis donc, frérot. Eh. Avant de partir, tu aurais pas un dollar. Hein? Ah, même pas. Papy! Bon voyage, frérot! C'est... Attendez, j'ai à vous parler. Non, mais laissez-moi tranquille, vous. Puis là, chez moi. Mais... Qui vous êtes ou qu'est-ce que vous voulez? Écoutez-moi, j'ai une proposition à vous faire. Si elle ne vous convient pas, vous pourrez toujours vous jeter à l'eau. Mais écoutez-moi d'abord. Bon, mais dépêchez-vous. Hein, voilà. Hein. Je connais parfaitement votre situation. Vous êtes endetté à cause d'une femme. Vous avez volé une bague à votre maîtresse, Miss Isidora Jorgens. Ça suffit. Mêlez-vous de vos affaires. Je vous ai rien demandé. Puis je vous connais pas. Et moi, je vous connais, monsieur Edouard Edmond. Et voici ma proposition. Vous voyez ce billet de 1000 dollars? Oui. Pas touche. Si vous acceptez mon offre, il est à vous. Et je peux même vous promettre d'en gagner autant tous les mois. Avec une pareille somme, est-ce que vous auriez encore envie de vous jeter à l'eau? C'est la belle Dorifa qui se moquerait de vous. Elle aurait pas tort, non? Vous ne moquez pas de mon malheur, monsieur. Bon, vous avez une proposition à me faire, faites ça vite. Puis c'est moi tranquille ensuite. Ce billet de 1000 dollars est une preuve que ma proposition est sérieuse, non? Un mot de vous, et il vous appartient. Ah. Et que faudra-t-il que je fasse pour ça? Oh, pas grand-chose. Vous continuez à travailler chez Fred Jorgel comme auparavant? Oui. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser examiner son courrier. Examiner son... Ah, non, non, ça n'est pas question. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, mais ne me demandez pas de trahir Fred Jorgen. Il a toujours été bon pour moi. Mais qui vous parle de trahir? Vous lui causerez aucun tort, voyons. Je suis simplement un détective privé au service d'une agence, et on a besoin de certains renseignements. C'est très courant, vous savez. Bon, eh ben, tant pis. Je remets ce billet de $1,000 dans ma poche. Je trouverai quelqu'un d'autre. C'est dommage, hein? Au revoir, monsieur Edouard Edmond. Oh, l'eau doit être froide ce soir. Allez, salut. Attendez. Si seulement j'étais sûr que ça porterait pas préjudice. Mais pas du tout, je peux vous l'assurer, ce sont des choses courantes. Bon, alors j'ai pas de temps à perdre, vous décidez, oui ou non? Ben d'accord, j'accepte. Eh ben voilà, c'est simple, non? Prenez ces $1,000, ils sont à vous. Et j'en aurai autant chaque mois, c'est bien ce qui est convenu, n'est-ce pas? Avec une parole. Vous aurez donc ma visite tous les matins, à l'heure du courrier. J'oubliais. On risque de s'étonner de me voir tous les jours chez vous. Alors vous direz que je suis un de vos cousins qui vient d'arriver d'Irlande et qui essaie de trouver du travail. Attendez. Dites-moi moi, votre nom. Si vous venez me demander quand je suis pas là, il faut au moins que je puisse... Je m'appelle Slug. Allez, bonsoir, cousin. À demain matin. Salut, cousin. C'est moi, Slug. Alors, le courrier est arrivé? Il est là, sur ma table, de toute cette pile. Parfait. Mais dépêchez-vous. Je dois l'apporter dans une demi-heure à Sir Fred Jorgel et à M. Agénor Marmousier. Une demi-heure, mais c'est largement suffisant. Bon, voyons. Les paquebots à vrai sans intérêt, Madame Irlandaise sans intérêt, les aciéries du Michigan, les factures sans intérêt, les factures... Ah! Une lettre adressée du Canada à Monsieur Agénor Marmousier. Voyons. Elle est signée Oscar Tournesol. Bon, très bien, celle-là, je la garde. Quelque chose qui va pas? J'ai soif, cousin. Vous auriez pas une bière? Oui, tout de suite. Ça fait du bien. Bon, eh ben, je crois que j'ai tout vu. À demain, cousin. À demain. Oui. Salut, cousin. Bonjour, monsieur Slug. Oui, le courrier vient juste d'arriver. Très bien. Vous savez, mon cher cousin, que depuis 8 jours que nous avons commencé notre petite association, ça marche très bien. Hein? L'agence m'a chargé de vous féliciter. Tant mieux. Mais non, vous êtes bien sûr que Sir Fred Jorgel ne risque pas d'avoir d'ennuis à cause de moi? Oui, vous inquiétez donc pas. Attendez. Et la résidence de Sir Fred Jorgel, j'écoute. Allô? Oui, je vous entends très mal. Du Canada? Bon, qui demandez-vous? Parlez plus fort. Monsieur Agénor Marmousier, ne quittez pas. Passez-moi ce téléphone, vite. Ne discute pas, allez vite, passe-moi ce téléphone. Allô, qui demande Monsieur Marmousier? Ses amis Oscar Tournesol et Laure Astor-Buridan. Ah, malheureusement, vous appelez trop tard, hein? Monsieur Agénor a quitté l'Amérique pour la France il y a plus d'une semaine. Pour la France? C'est bizarre, ça. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Passez-moi Sir Fred Jorgel. Vous lui direz que c'est de la part de son ancien protégé, Oscar Tournesol. Entendu, quittez pas. Mais enfin, mais vous m'aviez parlé du courrier par le téléphone. Mais faut-moi la paix. Allez, rendez-moi cet appareil. Mais tu vas me foutre la paix. Laissez-moi prévenir Sir Fred Jorgel. Mais la ferme, passe-moi plutôt un verre de bière. Mais tu lui as dit, arrête de discuter. Allô, vous êtes toujours là? Ah ben, je regrette, mais Sir Fred Jorgel refuse de vous parler. Il m'a chargé de vous dire qu'il désire plus avoir aucune relation avec vous. Et il est très irrité que vous l'ayez quitté sans le prévenir. Hein? Ah ben, j'y peux rien, moi. Allô? Eh ben, vous n'avez qu'à lui écrire ou venir le trouver si vous désirez de plus amples renseignements. Non, je suis le nouveau secrétaire de Sir Fred Jorgel. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Quant à toi, cousin, pas un mot là-dessus, hein. Sinon, finis les 1000 dollars et adieu la belle Dorifa. qu'est-ce que t'attends pour répondre? Oui, j'y vais. Allô? Allô, monsieur Edmond. C'est Agénor Marmousier. Toujours pas de lettre du Canada pour moi? Passe-moi l'écouteur. Voilà. Très bien, tu commences à comprendre. Allô? Allô, je ne vous entends plus. Excusez-moi, monsieur, je regardais le courrier. Non, il n'y a rien. Puis-je faire autre chose pour vous? Oui, appelez-moi le Preston Hotel et demandez l'appartement de mademoiselle de Maubreuil. Oui, tout de suite, monsieur. Ne quittez pas. Allô, Preston Hotel, qu'y a-t-il pour votre service? L'appartement de mademoiselle de Maubreuil, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Mademoiselle de Maubreuil, oui. Ne quittez pas, je vous mets en communication avec M. Marmousier. Laisse brancher, il faut que j'entende ce qu'ils disent. Oui. Allô, Agénor. Alors, vous avez des nouvelles d'Oscar? Rien, je commence à être sérieusement inquiet. Et vous, Mademoiselle André, vous n'avez rien reçu? Rien non plus. Pas étonnant, on a aussi des agents au Preston Hotel. Mais moi aussi, je suis très inquiète. Cela ne ressemble pas à Oscar. Il y a 10 jours qu'ils se sont enfuis du Lunatic Asylum. Ils devraient être depuis longtemps au Canada. J'ai très peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Est-ce que vous ne pensez pas que la main rouge ait pu l'enlever? De toute façon, il n'était pas seul. Il y avait Lord Buridan et Cloum. Il leur est sûrement arrivé quelque chose. Est-ce que vous ne pourriez pas passer demain à notre hôtel pour que nous voyions ensemble ce que nous pouvons faire? Bien sûr, j'en parlerai aussi à Sir Fred Jorgel. Je suis sûr qu'il pourra nous aider. Alors à demain. À demain, mademoiselle André. Eh ben voilà du bon travail de fait. Tiens, ça méritait notre bière. Eh ben, cousin, t'as pas entendu? Une oui. Bière, et plus vite que ça. Voilà. Voilà, c'est mieux. Tenez. Merci, cousin. As-tu bien retenu les noms des deux individus dont tu viens d'entendre parler? Oscar Tournesol et... Lord Buridan. Exactement. Écoute-moi bien. Si jamais l'un de ces deux individus réussit à entrer en contact avec Sir Fred Jorgel, ou avec son secrétaire, ta pension de 1000 dollars te sera immédiatement supprimée. Oui, monsieur Slug. T'as bien compris? Oui, monsieur Slug, oui. C'est bien. À demain, cousin. Au revoir, monsieur Slug. Vous pouvez pas faire attention, vous avez failli m'écraser. N'ayez pas l'air surpris. Vous reconnaissez ce signe? Ah oui, c'est la marque de la main rouge. Montez vite. Qui êtes-vous? Où m'emmenez-vous? Vous êtes appelé à comparaître devant les lords de la main rouge. Les lords de la main rouge? Mais pourquoi? Vous posez trop de questions, monsieur Slug. Les lords n'aiment pas que l'on pose trop de questions. Excusez-moi, mais... Je vais vous bander les yeux. Voilà qui est fait. Vite, Douglas, il faut que dans 20 minutes, nous soyons arrivés là où vous savez. Je ne vous retirerai ce bandeau que lorsque vous serez en présence des lords. C'est la règle. Je sais que vous avez déjà été en présence de la main rouge. Vous ne serez donc pas surpris... que leur visage soit recouvert d'un masque de caoutchouc. Je dois quand même vous rappeler que quiconque essaie de leur enlever ce masque est un homme mort. Pour qui me prenez-vous? avancez de 5 pas. Et arrêtez-vous. Enlève ton bandeau. Assieds-toi. Y a-t-il longtemps que tu appartiens à la Main Rouge ? 5 ans, Milord. N'as-tu jamais pensé à quitter l'association ? Jamais, Milord. Ne t'a-t-on jamais proposé d'argent pour trahir nos secrets ? Plusieurs fois, Milord. Mais j'ai toujours refusé et j'ai immédiatement signalé les auteurs de ces propositions. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Il a des états de service excellents. C'est lui qui commandait les Tramps qui ont enlevé Joey Dorgan. Il a rempli avec beaucoup de zèle des fonctions de capitaine-gouverneur de l'île des Pendus. Enfin, c'est lui qui a été grièvement blessé en attaquant Freddy Orgel. Oui, et je dois dire qu'il remplit parfaitement la mission que nous lui avons confiée, la surveillance du courrier de Freddy Orgel. Bien, nous sommes d'accord. Tu es un homme de confiance, Slug ? On peut te parler franchement ? Oui, Milord. Tu sais qu'en ce moment, l'association traverse une crise sérieuse ? Un syndicat de milliardaires a offert des primes considérables à ceux qui parviendraient à nous détruire. J'en ai entendu parler. Dans l'état de New Jersey, une 50aine des nôtres sont en prison en attendant d'être jugés. Oui, et dans l'Illinois, on a lynché 12 de Tramps. Enfin, tout dernièrement, un de nos banquiers a été dénoncé et on a saisi dans sa banque 300 000 dollars qui appartenaient à l'association. Mais rassure-toi, rassure-toi, la Main Rouge est puissante. Et elle triomphe toujours de ses ennemis. Personne ne peut soupçonner le pouvoir formidable de son organisation. Nous avons commencé notre contre-offensive. Et elle sera terrible. En ce qui te concerne, Slug, le Conseil des Lords a décidé de te charger d'une mission délicate. Cette mission n'est pas sans danger. Et je n'ai pas peur du danger, Milord. Je l'ai déjà... Silence! On ne coupe pas la parole aux Lords de la Main Rouge. Bien. La mission dont nous avons décidé de te charger consiste d'abord à enlever un vieil avare qui habite dans un château isolé une somme de plus de 3 millions de dollars en or et en banque-notes qu'il garde dans son coffre-fort. Le château n'est pas ici, mais au Canada, dans le Winnipeg. L'harpagon en question s'appelle Mathieu Fless. Il te sera facile d'entrer à son service. Tu connais Sam Porter ? Réponds. Oui, Milord. On a fait plusieurs coups ensemble. C'est lui qui t'aidera dans ta mission. Dans ces conditions, te sens-tu capable de réussir ? Je pense que oui, Milord. Hein? Un vieillard, un château isolé, c'est un jeu d'enfant. C'est aussi l'opinion des Lords. Mais ce n'est pas tout. Dans la propriété voisine de celle de l'avare se cachent 4 des plus redoutables ennemis de la Main Rouge. Tu en connais déjà 2. Lord Buridan et le Peau-Rouge Cloum, qui était tes prisonniers à l'île des Pendus. Tu te souviens d'eux ? Oui, Milord. Hein ? Quant aux 2 autres, l'un est un fou échappé du Lunatic Asylum et l'autre est un Français dont tu as entendu parler puisque tu surveilles le courrier de Freddy Orgel. C'est un petit bossu qui s'appelle Oscar Tournesol. Eh bien, il faudra que vous supprimiez aussi rapidement que possible ces 4 individus. Cette mission est même plus importante que la première. Mais attention, la Main Rouge est implantée au Canada, mais personne ne s'en doute. Il faut vous arranger pour que, quoi que vous fassiez, la Main Rouge ne puisse jamais être soupçonnée. Tu te raseras les cheveux et la barbe, car Buridan et Cloum pourraient te reconnaître. Tu as compris ? Oui, Milord. Bon. Bon, tu vas partir immédiatement. Nous allons te faire accompagner. Sam Porter t'attend dans la voiture que nous avons mise à votre disposition. Il t'expliquera en route les détails de l'opération. Remettez-lui son bandeau et conduisez-le à l'endroit convenu. La séance est levée. Quelle voiture ! On fait au moins du 100 à l'heure. Dis donc, Sam, tu trouves pas qu'elle est un peu trop voyante, quand même ? Cette énorme voiture noire et rouge, on va se faire remarquer dans la région. Mais non, t'inquiète pas, Slug, tout est prévu. Dès qu'on arrive dans le Winnipeg, on la planque chez un gars à nous qui est installé garagiste là-bas. Et après, fini le confort. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah oui, c'est vrai, t'es pas au courant des détails. Bon, alors voilà. Dès qu'on arrive chez le copain, il nous refile des vieilles fringues du style clochard et on file chez le baronnet Fesse Mathieu. Attends, attends, c'est pas ce nom-là dont les lords m'ont parlé. Non, mais non, mais non. Mathieu Fless, il s'appelle. Mais dans la région, tout le monde l'appelle Fesse Mathieu. Il est avare, comme c'est pas possible. Il mange pas, il boit pas, il se chauffe à peine et il s'habille d'un costume de peau de lapin qu'il a tué lui-même. Tiens, cherche dans la boîte à gants, là. Il y a sa photographie. Oh ah, c'est pas possible, c'est pas vrai. On dirait Robinson Crusoe ou le Juif errant. Oui, il est riche comme Crésus. Il paraît qu'il a jamais réussi à garder un seul domestique. Bah, tu penses, il les paye pas, il les nourrit pas. Et même les plus cons n'ont jamais tenu plus de 8 jours chez lui. Et même, il va falloir qu'il fasse un effort. Ah non, surtout pas, surtout pas. Ah, si on veut se faire engager, il faut que nous acceptions toutes ces conditions. Ah, on tiendra jamais le coup. Les lords m'ont mis 1000 $ pour nos frais de séjour. La bouffe et le whisky dans un coin, puis tu es tranquille. Eh ben, j'aime mieux ça. Et nos 4 lascars, tu as des renseignements ? Ouais, ouais, ouais. Ils n'habitent pas très loin du château de Fesse-Mathieu, dans un chalet qui s'appelle la Maison Bleue. Tiens, cherche dans la boîte à gants, là. Il y a un plan. Eh. Ah, dis donc, effectivement, ça n'a pas l'air d'être très loin. Il y a juste une rivière qui sépare les deux propriétés. Oh, drôle de nom, cette rivière. Attends, le ruisseau rugissant. Ouais, bah, il paraît qu'il faut pas s'y fier. Hein. C'est un torrent très dangereux. Pas moyen d'en réchapper quand on y tombe. Ah tiens, il y a un pont. Il est marqué d'une croix rouge. Tu sais pourquoi ? Ouais, il paraît qu'il est en mauvais état. Et il suffirait de quelques coups de hache. Enfin, tu vois. Ah ouais, je vois. Et en dehors des haches, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein ? Soulève le tapis de la voiture. Voyez là, là, sous tes pieds. Ah. Voilà, ça y est. Et alors ? Tu vois ce bouton dans le coin ? Ouais. Ah oui, là, appuie dessus, là, oui. Oh, oh, bah dis donc, ça risque de faire mal. Sabre-running, 2 fusils à répétition, 1 fusil à lunettes, des grenades, des pains de dynamite. Oh, bah dis donc. Oh, bah dis donc, ils ont oublié les cartouches. Bah non, là, sous mes pieds. Hein, hein. Ah, ben on va en faire de la bouillie de nos 4 amis. Dis donc, Sam, au fait... Tu sais qui c'est ? Le 4e ? Le fou ? Ouais. C'est Baruch Uriel, le fils du milliardaire, le célèbre assassin. Oh. Oscar et Laure Buridan réussiront-ils enfin à entrer en contact avec leurs amis ? Échapperont-ils cette fois-ci au tueur de la main rouge ? Vous le saurez en écoutant la suite du décidément redoutable docteur Cornelius. Prochain épisode... La Maison Bleue. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 15e épisode, Pour une femme, avec Michel Bouquet, Maya Simon, Marc de Géorgie, William Corinne, François Darbon, Albert Medina, Pierre Pernet, Maurice Gauthier, Jean-Pierre Joris. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 17 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.